Quatrième partie, chapitre 1, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par Saint-François de Sales. Quatrième partie, les avis nécessaires contre les tentations les plus ordinaires. Chapitre 1. Qu'il ne faut point s'arrêter au discours des enfants du siècle. Aussitôt que le monde s'apercevra de votre dévotion, la flatterie et la médisance ne manqueront pas de vous faire de la peine. Les libertins feront passer votre changement pour un artifice d'hypocrisie, et ils diront qu'un chagrin que vous avez reçu du monde vous a fait à son refus recourir à Dieu. À l'égard de vos amis, ils s'empresseront de vous faire bien des remontrances, qu'ils croiront charitable et prudente, sur la mélancolie de la dévotion, sur la perte de votre crédit dans le monde, sur la conservation de votre santé, sur l'incommodité que vous causerez aux autres, sur vos affaires qui en pourraient souffrir, sur la nécessité de vivre dans le monde comme l'on y vit, et sur tous les moyens qu'on a de faire son salut, sans tant de mystère. Philotée, tout cela n'est qu'un sot et vain babil du siècle. Et au fond, ces gens-là n'ont aucun soin véritable, ni de vos affaires, ni de votre santé. Si vous étiez du monde, dit le Sauveur, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, il vous hait. L'on voit des hommes et des femmes passer les nuits entières au jeu. Y a-t-il une attention plus sombre et plus chagrine que celle-là? Cependant, leurs amis ne leur en disent rien, et pour une heure de méditation, ou pour se lever un peu plus matin qu'à l'ordinaire, afin de se préparer à la communion, chacun court au médecin pour nous faire guérir de l'humeur hypochondriaque et de la jaunisse. On passera 30 nuits à danser, nul ne s'en plaint. Et pour la seule nuit de Noël, chacun tousse et crie à la tête le jour suivant. Qui ne voit que le monde est un juge inique, favorable à ses enfants, mais dur et sévère aux enfants de Dieu. Nous ne saurions être bien avec le monde qu'en nous perdant avec lui, et il n'est pas possible de contenter sa bizarrerie. Jean est venu, dit le Sauveur, ne mangeant ni ne buvant, et vous dites qu'il est possédé du diable. Le Fils de l'homme est venu en mangeant et en buvant, et vous dites qu'il est un Samaritain. Il est vrai, Philotée, si vous vous relâchez par condescendance pour le monde à jouer et danser, il s'en scandalisera. Si vous ne le faites pas, il vous accusera d'hypocrisie ou de mélancolie. Si vous vous parez, il interprétera mal. Si vous vous négligez, ce sera pour lui une bassesse de cœur. Il appellera votre gaieté une dissolution et votre mortification une humeur sombre. Et comme il vous regarde toujours de mauvais œil, jamais vous ne pourrez lui plaire. Il fait passer nos imperfections pour des péchés, nos péchés véniels pour des mortels et nos péchés d'infirmité pour des péchés de malice. Dans les mêmes choses où la charité, comme dit saint Paul, est bénigne, le monde est malin. La charité ne pense mal de personne, et le monde en pense toujours de toutes sortes de gens. Quand il ne peut condamner nos actions, il accuse nos intentions. Enfin, soit que les moutons aient des cornes, ou qu'ils n'en aient pas, soit qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, le loup ne laissera pas de les manger s'il peut. Quoi que nous fassions aussi, le monde nous fera toujours la guerre. Si nous sommes longtemps au pied d'un confesseur, il demandera ce que nous pouvons tant dire. Si nous y sommes peu, il dira que nous ne disons pas tout. Il étudiera tous nos mouvements, et pour une parole, tant soit peu échauffée, il protestera que nous sommes insupportables. Il prendra pour une avarice le soin de nos affaires, et il fera passer notre douceur pour une niaiserie. Mais à l'égard des enfants du siècle, leur colère est une générosité, leur avarice une sage économie, et leurs manières trop libres sont une honnête conversation. Laissons cet aveugle monde, Philotée, qu'il crie tant qu'il voudra, comme un chaillon, pour inquiéter les oiseaux du jour. Soyons fermes en nos desseins, invariables en nos résolutions, et la persévérance fera voir si le parti de la dévotion que nous avons pris a été sérieux et sincère. Les comètes et les planètes paraissent presque également lumineuses, mais les comètes, qui ne sont que des feux passagers, disparaissent en peu de temps, au lieu que la lumière des planètes est perpétuelle. De même, l'hypocrisie et la vraie vertu se ressemblent fort, et on les connaît à ce que celle-là n'a point de constance, et se dissipe comme la fumée, au lieu que celle-ci est ferme et constante. Au reste, il est bon pour assurer les commencements de notre dévotion, d'en souffrir du mépris et quelques injustes reproches, car on se précautionne ainsi contre la vanité et contre l'orgueil, qui font quelquefois périr les premiers fruits de la piété. Malheur figuré par le commandement que Pharaon fit aux sages femmes d'Égypte de tuer les enfants mâles d'Israël le jour même de leur naissance. Enfin, nous sommes crucifiés au monde, et le monde nous doit être crucifié. Il nous prend pour des fous, regardons-le comme un insensé. Fin du chapitre 1, quatrième partie.